Alors, vous apportez les trois dernières fiches de paie, pour vous et pour votre ami. Le dernier avis d'imposition, pareil, le vôtre et l'avis d'imposition de votre ami. Les quittances de loyer, vous êtes locataire, donc les trois dernières quittances de loyer. Et le contrat de location, parce qu'il nous faut la date à laquelle vous êtes entré dans les lieux à Créteil. Donc je viens chercher un dossier. Oui, vous apportez les documents concernant votre situation et vous venez constituer votre demande. On vous délivre votre numéro d'inscription le jour même. Bon, d'accord, je vous remercie. De rien, au revoir.